Il était 5h30 du mat, je sortais de chez des potes. J'attendais le métro alcoolisé, mon état était pauvre. Il arrive, je rentre et je me pose sur un strapontin. Un torsillac des cadavres ou des meufs avec un tas de fond de teint. Un mec grande bouteille de Jack à la main et une minette qu'il suit. Elle paraissait jeune, genre 17-18. Le mec est foncé, il me fixe, mais je calcule pas le truc. On dirait que j'avais tué sa meuf ou que j'avais pris par le huc. Le mec s'approche et crache un molar sur ma veste en cuir. Je me lève, les portes s'ouvrent et ce connard a vite fait de s'enfuir. Je le cours, j'arrive dehors, il pleut quelques gouttes. Je rêve de lui mettre quelques coups, je suis die, mais bon, je reste debout. J'arrive à sa hauteur, il tombe tête devant, sa bouteille se casse. Un éclat de verre lui transperce le ventre. Il bouge pas, il saigne. Je me dis faut que je bouge. Pour ça les flics se donnent des coups de matraque et pas des roses rouges. Des curieux s'approchent. J'avoue que là je flippe. Je suis accroupi à ses côtés. J'aperçois 3 ou 4 flics. Je voulais m'enfuir mais j'ai eu peur. Qu'un de ces mecs la tire. Les mecs me plaquent, me notent et m'embarquent dans la belle Satis. On dirait que c'est pas votre jour de chance. Il y a des jours comme ça où tout ne va pas pour le mieux. Il y a des jours où tout part en couille. Ce soir-là, j'étais OP, barbe et crâne rasé de près. J'avais rendez-vous avec ma nouvelle attachée de presse. Je m'imaginais déjà canapé le vrai. Elle connaît pas trop Paris, elle vient juste d'arriver de Brest. Rendez-vous 20h, Charles de Gaulle étoile. Elle est ponctuelle, petite jupe, tatouage sur le mollet droit. Je la joue classique, resto et bar au beau décor. Après tout ça, elle me dit allons chez moi, dehors il pleut des cordes. Elle habite chez son père qui taffe de nuit dans la bac. J'étais pas sûr de moi quand je me suis introduit dans l'appart. On a quitté le clic-clac pour la chambre parfaite. J'entends une porte qui claque, mon cœur est tombé par terre. Elle me dit c'est mon père qui rentre, vas-y dégage d'ici. J'étais tellement stressé que j'ai fait un début de calvitie. Impossible de sortir sinon c'est le face-à-face. En plus il dort dans le canapé du salon comme par hasard. J'avais les nerfs mais encore heureux d'être en vie. Sa fille j'en voulais plus, la peur m'avait coupé l'envie. J'étais caché dans l'armoire genre prise d'otage. Elle me dit tu partiras demain midi quand mon père file au tard. Super. On dirait que c'est pas votre jour de chance. Il y a des jours comme ça où tout ne va pas pour le mieux. Il y a des jours où tout part en couille. Ce jour-là j'étais bien jusqu'à... Seb, tu descends? Qu'est-ce qu'il y a? Emmène-moi au Muro, s'il te plaît, j'ai plus d'essence. C'est mon pote Faudé, un mec de ma thèse qui bicrave de la cesse, un peu cramé de la tête. J'arrive en bas, il me dit merci, frangin, c'est cool, j'en ai pas pour longtemps, je vais vite fait voir mon cousin, c'est fou. Il me ramène dans un truc. Comment dire, grosse tesse, hall blindé, accueil loin d'être romantique. Il part, 10 minutes après, il court avec un sac. À 30 mètres derrière, un mec le course avec un sabre. L'enfoiré est venu faire une transaction d'aide. C'est la merde, c'est pas aujourd'hui qu'il épongera ses dettes. Il monte sa caillasse, le pare-brise arrière pète. Rentrer comme ça au Dakar, putain j'aurais pas l'air bête. Sur la route, ça s'insulte et ça se clash. Il dit t'inquiète, on ira réparer tout ça chez Carglass. Okay. On dirait que c'est pas votre jour de chance. Il y a des jours comme ça où tout ne va pas pour le mieux. Il y a des jours où tout part en